maman m'avait prévu de Noël. Le soleil était radieux et s'est tourné tout de rien. Tu te fiches du regard des gens, mais quand c'est toi c'est pas pareil. Mais quand c'est toi c'est pas pareil. Je t'aime un peu plus aujourd'hui que toi tu t'aimais la veille. Je voulais tout arrêter mais ta voix me crie encore. Encore, encore, une dernière dose avant de passer la porte. Je penserai à toi la prochaine fois que je traumatiserai mon corps. Encore, encore, une dernière chance avant que ça ne fasse plus jamais mal. Rainy day, aujourd'hui mon grand tu sors sans parapluie. T'as perdu le tien car y'a son cœur qui bat pour toi là-bas. Rainy day, aujourd'hui mon grand tu sors sans parapluie. L'impression c'est déjà tout dit quand on parle devant le miroir. Tu peux même passer le pied de la barre, je te laisserai saccager ma part. T'es beau avec ma plaie, t'es beau avec mon... T'es beau avec ma peine, je suis si belle avec tes torts. Ma petite remballe ta reine, bouge ta belle bouille de la corde. Entre les mauvais accords, prends soin de toi d'abord. Je suis l'erreur, parle au micro comme je parle au vide. Et ensuite on verra. Et ensuite on verra. Avant de dans la maman avait prévu dans l'oreille. Le soleil était radieux et s'est tourné tout de rail. Tu regardes des gens, mais quand c'est toi, c'est pas pareil. Mais quand c'est toi, c'est pas pareil. Je t'aime un peu plus aujourd'hui que toi, tu t'aimais la veille. Force de me guetter, je me suis gâché. Les péchés de la vie passée sont basés sous les rideaux. Tu fais ta part, c'est bois assez. Toi, c'est mais ça m'a fâché. Mon regard dans le reflet du bigot. Pour le miroir, la vie est tachée. Les humains, j'en ai assez. Les humains, j'en ai assez. Je nettoie pas les draps qu'on attachait. Les souvenirs de nous m'y attachaient.